joie, des peines, des pleurs, des rires, du loto. Tu sois fort, poto. Ton passé n'est qu'une info. Vie ou mort, y'a pas photo. La vie retient si tu te lèves tôt. Donc le bonheur, c'est pour bientôt. Plateau pour le monde est devant toi. N'attends pas qu'il débarque, je donne votre en toi. Jeune femme, lève-toi, barre-toi. T'as des cordes dans ton arc, des flèches dans ton carquois. Choisis entre roi et bouffon et la vie bouffe là. Avant que les vers te picorent. Elle est étape tout au fond, mais la force est là. Tu la sens, elle existe encore. Courage, je dis pas ça pour passer le cirage. Même si t'as pas de chaud, de bagages, on se déchire dans le crâne. Si t'étais pas du voyage. Thank you. où est Little Star du coup, tarnisant les types de temps, disant les types de temps. Des histoires de tout petit bout de territoire, mais tard le soir, es-tu prêt à partir de manière triste? Car c'est ça la vraie question. T'as des armes, j'ai la passion. Mon âme, mes convictions, j'ai toujours voulu mourir pour des idées. De toute façon, j'irai juste. Trop lui mettre. Arrête de bosser pour des